George Scholti et l'Orchestre symphonique de Chicago dans la suite de danse de Béla Bartók. C'était en janvier 1981 pour le label Decca, aujourd'hui disque de légende, à retrouver et podcaster sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. Il me reste 5 minutes pour vous annoncer un concert, celui que donnera Radio France demain jeudi. L'excellent violoncelliste espagnol Pablo Ferrandez y sera avec l'Orchestre National de France et Juraj Valcua. Premier concerto de Shostakovich et troisième symphonie de Serge Rachmaninov au programme. Pour une fois, ce ne sera pas en direct sur France Musique puisqu'on diffusera une soirée spéciale Quatuor Modigliani, mais ça on en reparlera demain. En attendant, Pablo Ferrandez dans ses œuvres, on a eu déjà une bouffée du piano, et bien voici la totale. Pablo Fernandez au violoncelle, Denis Kosoukine au piano dans l'élégie des 5 morceaux de fantaisie opus 3 de Serge Rachmaninov. Pablo Fernandez qui se rend donc en concert demain jeudi à Radio France. Un grand merci à Martine Moni, Robin Mélin et Thomas Guinegagne. Voici Anne-Charlotte Raymond qui nous rappelle aujourd'hui que côté lettres musicales, il n'y a pas que BACH dans la vie. Musicopolis. Dmitri Shostakovich, une signature musicale. Vous avez bien entendu, c'était le nom de Dmitri Shostakovich. Il le met en musique dans une petite pièce de 1966 intitulée « Préface à l'édition complète de mes œuvres et brève réflexion sur cette préface ». À la suite de son nom, il décline ses titres. Dmitri Shostakovich, artiste du peuple de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, suivi de nombreux autres titres honorifiques, premier secrétaire, Union des compositeurs de l'URSS, ainsi que mains autres postes et fonctions d'une importance considérable. Dmitri Shostakovich. Народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР. Просто секретарь Союза композиторов СССР. А также очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей. On entend bien dans la manière dont Shostakovich met ses titres en musique qu'il n'éprouve pas pour Isseux un respect forcené. Il est là plutôt dans le domaine de l'humour, de l'ironie, du burlesque. Des caractéristiques qui, à l'époque du régime soviétique, sont totalement en dehors de la bienséance. Ce qui explique d'ailleurs la création plutôt chaotique de la pièce à Leningrad, le 28 mai 1966. On raconte que la basse, Yevgeny Nesterenko, qu'on entend ici, très émue, a loupé son entrée après l'introduction du piano. Shostakovich, qui l'accompagne ce soir-là, recommence une deuxième fois. Nesterenko ne part toujours pas. Enfin, à la troisième fois, tout s'enchaîne. La nuit même, Shostakovich faisait une crise cardiaque qui allait le laisser 2 mois et demi à l'hôpital. Мараю я единым духом лист. Внимаю я привычным ухом свист. Потом всему терзаю свету слух. Потом печатаюсь. И в лету бух. Такое предисловие можно было б написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень, очень многих композиторов, как и советских, так и зарубежных. А вот и подпись Дмитрий Шостакович. Ceci est une préface qui aurait pu être écrite pas seulement pour mes œuvres complètes, écrit Shostakovich, mais également pour les œuvres complètes de bien d'autres compositeurs, à la fois soviétiques et étrangers. Et en voici la signature, Dmitri Shostakovich. Si je laisse la musique s'arrêter après le nom de Dmitri Shostakovich, c'est que je voudrais vous mettre dans l'oreille ce petit motif de quatre notes, répété deux fois, sur lequel son nom est prononcé. Dmitri Shostakovich. Ce motif, qui en note française se dit Ré, Mi bémol, Do, Si, se dit en notation allemande D, S, C, H, qui sont aussi les initiales du compositeur dans la version allemande de son nom. Une signature, en quelque sorte. Il y a longtemps que les compositeurs jouent avec les lettres de leur nom et signent avec des notes, depuis le Moyen-Âge. Et lorsque Schumann ou Liszt ou Poulenc, parmi bien d'autres, écrivent les notes si bémol, la, do, si bécard, par exemple, c'est-à-dire en allemand B, A, C, H, ils font évidemment référence à Bach. Bon, je pense que vous avez compris, j'aurais pu vous citer des tas d'autres musiciens dont on a traité les lettres du nom pour en faire des petits motifs musicaux. Mais là n'est pas notre propos du jour. Revenons à nos moutons en la personne de Dmitri Shostakovich. Les spécialistes de sa musique trouvent des occurrences de sa signature avec le motif DSCH, Ré, Mi bémol, Do, Si, assez tôt dans ses œuvres. On l'entend passer dans plusieurs pièces, mais la première apparition significative se fait dans la 10e symphonie, composée en 1953. Je vous le disais, cette 10e symphonie date de 1953. Or, cette année-là, le 5 mars, arrive un événement extrêmement important à Moscou. En fait même, deux événements. L'un intéresse l'histoire de la musique, c'est la mort de Prokofiev. L'autre est une des grandes dates de l'histoire du XXe siècle, puisque c'est la mort de Joseph Staline. C'est pour Shostakovich un moment crucial. Voici près de 20 ans qu'il subit une angoisse constante du fait de la politique culturelle totalitaire erratique du petit père des peuples. Depuis 1936, où un article inspiré par Staline est paru dans la Pravda, comparant sa musique à une cacophonie, Shostakovich craint chaque jour qu'on vienne frapper à sa porte pour l'emmener, l'interroger, l'envoyer au goulag, l'exécuter peut-être. Après l'article de la Pravda, Shostakovich ne s'est pas arrêté de composer. Mais il a présenté au grand jour seulement les œuvres qui ne risquaient pas de choquer, gardant les autres pour le tiroir, comme on dit alors. Il a composé pour le public 5 grandes symphonies, de la 5e à la 9e. Mais en 1948, à nouveau, il a été stoppé en plein élan par une résolution du comité central du Parti communiste, inspirée par une visite d'Andrei Jdanov à l'Union des compositeurs. Cette résolution critique les musiciens qui s'éloignent du réalisme socialiste et accuse quelques compositeurs de formalisme. Parmi ceux-ci, Shostakovich, Prokofiev, Miaskovsky et quelques autres. Accusé de formalisme en 1948, Shostakovich a été à nouveau bridé dans sa créativité, n'osant plus présenter ses œuvres et ne produisant pour le public que la musique de film à la gloire du régime ou des œuvres inoffensives comme Le chant des forêts qui lui vaut un prix Staline et 100 000 roubles de gratification. Les œuvres pour le tiroir se sont amoncelées dans le bureau de Shostakovich après la semonce de Jdanov. Le premier concerto pour violon, le quatrième et le cinquième quatuor, des mélodies sur des poèmes de Pouchkin et des mélodies populaires juives, en pleine campagne antisémite. Pendant ce temps, en public, le compositeur fait entendre des pièces irréprochables. On l'envoie représenter l'URSS en voyage officiel, à New York, à Leipzig, pour le bicentenaire de la mort de Bach, à Vienne. Avec la mort de Staline en 1953, les choses ne changent pas radicalement. Mais au moins, le couvercle de la marmite s'est un peu soulevé. Ce thème, joué au corps, déjà entendu auparavant dans le troisième mouvement de la 10e symphonie, est un autre emblème musical. Avec une notation qui mélange lettres et notes, Shostakovich fait entendre le prénom Elmira. C'est celui d'une de ses anciennes élèves, venue d'Azerbaïdjan pour étudier avec lui. Il a été amoureux d'elle pendant plusieurs années, et en mêlant dans ce mouvement son propre monogramme musical au nom d'Elmira, il réunit leurs deux âmes dans sa musique pour l'éternité. Néanmoins, dans le final de cette 10e symphonie, au terme d'une longue progression presque frénétique, le motif DSCH reviendra seul. Les biographes de Chostakovitch, les musicologues, les commentateurs se sont longuement penchés sur cette 10e symphonie et sur la signification de l'apparition du motif DSCH, Ré, Mi bémol, Do, Si, signature musicale du compositeur. Bien sûr, difficile de ne pas la relier avec la mort de Staline, ni de constater que c'est la première symphonie qu'il compose depuis les accusations de formalisme de 1948. Certains disent que le scherzo serait un portrait musical à charge de Staline. Ce qui est certain, c'est que le surgissement dans sa musique du « moi » du compositeur par sa signature sonne comme une libération, tout en s'inscrivant dans la tourmente angoissante et parfois grotesque de l'époque. Après la création de la 10e symphonie de Chostakovitch sous la direction de Mravinsky le 17 décembre 1953, de nombreuses polémiques ont lieu parmi les musiciens et musicologues soviétiques. Des discussions sont organisées à la maison des compositeurs pour juger l'œuvre en quelque sorte. Chostakovitch lui-même est amené à faire son autocritique. Dans un texte qu'il conclut par ces mots, inoffensifs, « Dans cette œuvre, j'ai cherché à exprimer les sentiments et les passions de l'homme. Que dire de plus ?» Après la 10e symphonie, Chostakovitch va utiliser très souvent sa signature, le motif DSCH, Ré, Mi bémol, Do, Si. On l'entend parfois transformé et néanmoins reconnaissable, comme dans son premier concerto pour violoncelle par exemple, ou parfois tel quel, comme dans le 8e quatuor de 1960. Thank you. En 1960, Chostakovitch est appelé à Dresde pour composer la musique d'un film est-allemand sur le bombardement de la ville. C'est là qu'il écrit en quelques jours son 8e quatuor. En rentrant en URSS, il confie à son ami Isaac Glickman. Les bonnes compositions de travail ont porté leurs fruits. Là-bas, j'ai composé le 8e quatuor. J'avais beau me casser la tête à écrire la musique du film, pour le moment, je n'y suis pas arrivée. À la place, j'ai composé ce quatuor idéologiquement condamnable et dont personne n'a besoin. Je me suis dit que si je mourais un jour, personne ne songerait à écrire une œuvre à ma mémoire. Aussi ai-je décidé de l'écrire moi-même. On pourrait mettre sur la couverture « Dédié à la mémoire de l'auteur de ce quatuor ». Shostakovich poursuit la description de son 8e quatuor. Le thème principal, ce sont les notes DSCH, c'est-à-dire mes initiales. J'y ai utilisé aussi des thèmes de mes différentes compositions et le chant révolutionnaire victime de la terrible prison. Mes thèmes sont les suivants. Ceux de la 1ère et de la 8e symphonie, du trio, du concerto pour violoncelle de Lady Macbeth. Je fais aussi allusion à Wagner et à Tchaïkovski. Ah oui, j'ai oublié aussi ma 10e symphonie. Une sacrée salade. Le caractère pseudo-tragique de ce quatuor vient de ce qu'en composant, j'ai répandu autant de larmes que je répands d'urine après une demi-douzaine de bières. Shostakovich raconte à son ami Isaac Glickman son retour à Moscou après ses quelques jours à Dresde. À la maison, j'ai essayé deux fois de jouer le quatuor. Et voilà que mes larmes ont recommencé à couler. Mais ce n'était plus seulement à cause de ce caractère pseudo-tragique, c'était d'admiration devant la merveilleuse clarté de sa forme. Peut-être une sorte de ravissement pour ma propre personne a-t-elle joué un rôle ici. Le genre de sentiment qui s'évanouit rapidement pour vous laisser une gueule de bois en forme d'autocritique. Thank you. l'argot final du 8e quatuor de Dmitri Shostakovich par le quatuor Borodine. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Louis Deloncle pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site. Ce vendredi à 20h sur France Musique, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Miko Franck sont à la Philharmonie de Paris pour un concert où vous pourrez entendre le concerto pour violoncelle de Lalo avec Sol Gabetta en soliste, également la compositrice Mel Bonis met en abîme trois femmes de légende, Ophélie, Salomé et Cléopâtre. Et cette soirée se termine par la suite numéro 2 Daphnis et Chloé de Ravel. Une soirée France Musique à réécouter sur l'appli Radio France. Schubert, c'est l'ami qui ne nous lâche pas la main. Un homme toujours en constante recherche d'un bonheur qui lui échappe. C'est la douleur tendre. C'est le compositeur de la lumière. Un être qui n'a jamais peur de son cœur. La musique de Schubert, c'est un miroir fidèle de l'âme humaine, sans concession. Schubert, l'étoile filante par Saskia Deville. Tout savoir sur une compositrice ou un compositeur, leur vie, leurs œuvres, en 5 épisodes. Les sagas musicales de France Musique, à retrouver sur le site et l'application Radio France. Tout de suite, Aurélie Moreau, star du classique. Bon après-midi sur France Musique. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une étoile filante de la musique que nous évoquons. Une étoile filante car c'est un musicien qui nous a quittés très jeune, trop jeune. Il avait 33 ans, il jouait merveilleusement du piano. C'est Youri Egorov que voici, un talent à l'état pur, un jeu lumineux, un jeu naturel. Un vrai, vrai régal de pianiste qu'on va avoir le plaisir d'entendre dans la Fantaisie opus 17 de Robert Schumann. C'est sans doute ce que j'ai écrit de plus passionné, une plainte déchirante qui monte vers toi, écrit Schumann à sa fiancée Clara. Et après le tumulte des deux premiers mouvements, le troisième est un chant apaisé, plein de ferveur, plein d'espérance. Il est interprété comme un maître par Youri Egorov. Thank you. Lent et soutenu, indique Schumann pour le troisième mouvement de sa fantaisie, opus 17, ici interprété dans les règles de l'art absolument par le pianiste Yuri Egorov, qui est donc un musicien d'origine russe. Il commence le piano à 6 ans dans sa ville natale de Kazan. En 1971, Yuri Egorov a 17 ans, il est envoyé à Paris où il passe le concours Long-Thibaud et de retour en Russie, son prix lui permet d'étudier au conservatoire de Moscou sous la direction de Yakov Zak. C'est une vraie rencontre. Yakov Zak était un grand musicien. Il avait remporté le concours Chopin de Varsovie en 1937. Et heureusement d'ailleurs, car en tant que juif, il y avait de fortes chances pour qu'il finisse sa vie en Sibérie s'il ne remportait pas le premier prix. Pour Yuri Egorov, son élève, les enjeux n'étaient pas les mêmes, évidemment. Mais quoi qu'il joue, il y a toujours cette flamme chez lui, cette manière de se jeter dans la musique comme si sa vie en dépendait. Et croyez-moi, ça peut faire des étincelles. Feu d'artifice, c'est un prélude de Claude Debussy, le 12e et dernier du deuxième livre, achevé en 1912, et nous venons d'entendre la version très évocatrice de notre cher Youri Egorov, dont on connaît la passion pour Debussy, qu'il jouait avec facilité, avec plaisir. Ses moyens pianistiques lui permettaient de donner aisément vie à toutes ces pages qui réclament une imagination débordante, une technique solide et en même temps un jeu aérien. Voici donc une évocation de l'Espagne telle que Debussy l'imagine, puisqu'il n'y a jamais mis les pieds. La soirée dans Grenade, extrait des estampes sous les doigts de Youri Egorov. La soirée d'Engrenade, extrait des estampes de Claude Debussy, interprété en 1985 par Youri Egorov. France Musique, star du classique. Aurélie Moreau. Le 16 avril 1988, Youri Egorov est mort de la maladie du sida. Il résidait alors aux Pays-Bas. Il avait demandé l'asile politique au cours d'une tournée en Italie, car il fuyait l'Union soviétique, où il était presque persécuté en raison de son homosexualité. C'était en 1976. Youri Egorov avait 22 ans. Et puis, malgré cette mort prématurée, son héritage est important. À la suite d'un concert particulièrement réussi donné au Carnegie Hall de New York le 16 décembre 1978, il avait décroché un contrat d'enregistrement avec le label EMI. Et depuis peu, nous avons la chance de redécouvrir des récitals de Youri Egorov reportés sur CD. Et je vous propose donc que nous le retrouvions en 1980 en Californie. C'est extrait d'un récital qu'il donnait à l'auditorium de Pasadena. Un récital qui débutait avec cette partition ample et puissante. Voici la fantaisie en ut mineur de Mozart. Thank you. Fantaisie en ut mineur, Köchel 475 de Mozart, toujours interprété avec ce jeu très moderne par Youri Egorov. Je ne l'ai pas encore dit, mais la carrière de Youri Egorov a commencé de manière tout à fait incongrue. Il est déjà installé en Hollande, il se présente au concours Van Cliburn aux États-Unis en 1977. Et à la surprise générale, il n'obtient pas le premier prix, mais le public n'a pas dit son dernier mot. Il va se cotiser pour offrir à Youri Egorov ses premier récital aux États-Unis, et c'est comme ça que sa carrière va commencer. Je vous propose donc un nouvel extrait de ce récital donné à Pasadena. Youri Egorov a 26 ans, il joue avec assurance, avec intelligence, avec un sens inné de la construction et des phrasés. Il joue quelques études opus 25 de Frédéric Chopin. Thank you. Les études de Chopin, qui ne représentent pas seulement un défi technique, ça va bien au-delà évidemment, et c'était toujours Youri Egorov, il manquait quelques notes par-ci par-là, mais la musique était bel et bien là. On va l'entendre pour clore cette évocation dans une œuvre de Mozart, voici son 17e concerto en sol majeur, le dernier mouvement. Thank you. Alors ça, on dit que c'est le thème de l'étourneau de Mozart, qui a été son animal de compagnie pendant 3 ans. C'était le 3e mouvement de son 17e concerto en sol majeur par Youri Egorov avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Wolfgang Savalich. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et merci à Stéphane Poitevin et Cécile Bonnet-Desclostres. France Musique, au cœur du ballet, Hippolyte Pérès, le vendredi à midi. Jérôme Robbins, un pied dans le ballet, un pied à Broadway. Compagnon de route de Georges Balanchine, chorégraphe de West Side Story, quelques rebondissements en raison de ses liens avec le communisme, le programme est chargé. Ce vendredi, explorons la personnalité d'un artiste visionnaire, engagé et aussi extrêmement exigeant. Je vous donne donc rendez-vous ce vendredi à midi. Au cœur du ballet, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France. Musique Matin de 7h à 9h, Jean-Baptiste Urbain, France Musique. Demain, à l'occasion de la journée consacrée aux 20 ans du Quatuor Modigliani, nous recevons les 4 membres de l'ensemble. Sortez les bougies, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et 4 chambristes hors pair au micro, le Quatuor Modigliani avec nous demain à 8h30. Musique Matin, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France. À demain 17h, et nous on sera avec 2 musiciens du Quatuor Modigliani. Et maintenant il est temps, grand temps, de retrouver Alex Dutille pour Open Jazz. Bonsoir Alex. Bonsoir Aurélie. Grand temps, c'est le mot juste parce que j'ai le grand Luigi Grasso avec moi en studio pour une œuvre impressionnante qui s'appelle Dantesca. Il va donc être question de Dante. Et pourtant, on ne s'est pas consulté, hein. il faut le préciser quand Exactement. même. Surtout qu'on n'est même pas dans le même studio. Je ne peux même pas vous faire un clin d'œil. Même pas. À demain Aurélie. À demain Alex. France Musique, Open Jazz, Alex Dutille. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Luigi Grasso. Bonsoir. J'ai presque envie de vous le faire en italien, mais comme aujourd'hui vous vivez en Allemagne, voilà, on va le faire en français. Vous avez vécu 10 ans à Paris quand même. C'est ça. Et aujourd'hui, Luigi, vous êtes à Hambourg. Vous êtes l'un des piliers de l'orchestre du Big Band de la NDR, nos confrères de la radio de Hambourg. C'est une expérience, j'imagine, passionnante de se trouver comme ça au sein d'un Big Band un peu prestigieux, qui a régulièrement des invités internationaux. C'est fantastique. C'est, en fait, depuis 4 ans, je vis à Hambourg, comme vous le dites, et on se reproduit avec ce big band historique, parce que ça a presque 75 ans. Tant que ça. Oui. Et donc, comme vous le dites bien, on a différents invités. Toutes les semaines, on joue un programme différent. Souvent, c'est de la création. Donc, voilà, on espace entre du jazz traditionnel, entre la noise music. Mmh. Donc, c'est très difficile de s'ennuyer. Et vous sortez sur le label LP345. On avait eu quelques magnifiques disques, ceux de Robin Monsanti, trompettiste et chanteur, ceux de Maïka Thomas que j'avais reçu ici même il y a quelques mois. Et c'est à votre tour de sortir ce Dantesque, une œuvre impressionnante. C'est une suite. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un concerto pour orchestre symphonique et saxophoniste? Oui, sans c'est problème. Ça. Oui, oui, oui. À partir de... C'est librement inspiré par la Divina Commedia. Par la Divine Comédie de Dante. Ça fait partie de mes grands souvenirs d'adolescence. Quand vous étiez au lycée. Au lycée, en voilà. En Italie. En Italie. Nous, on a Victor Hugo, vous avez Dante au lycée. voilà. Mais du coup, j'ai commencé à relire, il y a quelques temps, des passages de la Divina Commedia, surtout celui-là, celle-là qui m'avait touché et impressionné. Et après, voilà, librement, je me suis inspiré pour écrire une pièce, un concerto, on pourrait dire, pour saxophone alto et orchestre symphonique. C'est une des grandes œuvres de la littérature mondiale. Ouais. Et ça vous a inspiré une suite avec un souffle, comme si le souffle du livre, de la lecture, de l'imagination qu'elle fait naître, vous avez inspiré. Vous n'avez pas retranscrit des scènes, c'est plutôt une impression générale, j'imagine. Oui, évidemment, parce que il y a Purgatorio, Inferno et Paradiso, et notamment chaque de ces parties. Chacune de ces parties. A une image très forte, et évidemment j'ai essayé de regrouper cette image dans chaque de ces parties. Il y en a 4, 2 pour l'enfer parce que c'est ma partie préférée, donc il y a évidemment Virgilio, qui c'est le cicerone de Dante, qui l'accompagne dans tous ses voyages jusqu'à la fin du purgatoire, et après il y a Cerbero, qui c'est voilà l'image de qui est resté dans le temps voilà, d'agressivité, de peur, de terreur, et ça. Et après, il y a Catone dans le purgatoire, et évidemment Béatrice, qui est la muse de Dante, qui est le, voilà, pour le côté paradisiaque. Exactement. On va écouter cette suite en entier, parce que je vous l'ai dit quand on s'est vu tout à l'heure. Quand la première fois que j'ai découvert ce disque, c'était en l'écoutant d'un bout à l'autre, et j'ai été saisi par les 20 minutes de la suite en 4 mouvements autour de la Divine Comédie, la suite Dantesca, vous l'appelez, et j'ai eu envie de faire partager ce souffle aux auditrices et aux auditeurs pour ne pas interrompre le déroulement narratif, mais c'est aussi des images, c'est expressionniste et impressionniste à la fois. Voilà, c'est, en tout cas, moi j'ai été, évidemment, vous êtes le saxophoniste soliste sur toutes ces pièces. Vous êtes venu avec 10 exemplaires de l'album. J'ai évidemment une petite devinette pour nos auditrices et nos auditeurs. Les 10 premiers qui donnent la bonne réponse par l'onglet Contacter l'émission sur la page Open Jazz sur le site de France Musique se recevront le disque. Vous allez peut-être même nous le dédicacer évidemment, tout à l'heure, leur dédicacer. Voilà quelle est la question. En 2020, Luigi, vous vous êtes associé à Peter Schnoor et à 2 autres musiciens pour créer ce label LP345. L'un des 2 autres musiciens est Laurent Courtaliec, et l'autre est également pianiste, mais qui est-il? C'est la question, vous le savez, c'est la question que je pose aux auditrices et aux auditeurs. Qui est donc le troisième musicien associé au label LP345? 3 hypothèses par ordre alphabétique. E comme Thomas Enko, H comme Yaron Herman et T comme Baptiste Trottignon. Thomas Enko, Yaron Herman, Baptiste Trottignon, qui s'est associé à Laurent Courtaliec et à vous pour Luigi Grasso pour créer ce label LP 345. On embarque sur le bateau qui nous amène dans le monde de Dante, la suite dantesque. Thank you.

Thank you.